Stop. believe in sound. This is my hard generation. l'argent. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit études, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette de l'huissier, qui dit accident merde, qui dit amour dit les gosses, qui dit toujours et dit divorce. Qui dit proche de l'idée car le problème n'est pas seul. Qui dit crise de l'immonde, qui dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue et réveil, encore sourire la veille, un longtemps oublié le problème. Alors on va.